FrenchPod.com. Alors, voici Nicolas, il a 7 ans. Bonjour Nicolas! Nicolas, dis bonjour à Stéphanie, ta babysitter. Il est un peu timide au début, mais après ça va. Voilà ses livres et ses jeux préférés. Il aime bien écouter des histoires et jouer à cache-cache. À 4 heures, pour le goûter, donnez-lui un verre de lait, un petit beurre et une banane. Ensuite, il doit faire ses devoirs. Il voudra sans doute regarder la télé à la place. Il vous dira peut-être même que je suis d'accord, mais ne l'écoutez pas. Dites-lui que s'il veut regarder la télé, il doit d'abord terminer ses devoirs. D'accord. À quelle heure dîne-t-il en général ? À 19h. J'ai tout préparé, c'est dans le frigo. Je suis sûre que tout va bien se passer. Si jamais il y a un souci, voici mon numéro de portable.